Pour mes amours de champs d'étoiles, je bâtirai des cathédrales par la truelle de mes rêves. Dans une cité de sonotone qui n'entend rien, amour mal donne, ma guitare a toujours la fièvre. Sauf le respect que je vous dois. Chacun sa place, et puis voilà. Et les enfants de Babylone avancent tout nus et affonnent dans une vie de marche ou crève. Dieu me préserve en cet instant de faire partie des morts vivants. Ma guitare a toujours la fièvre. Salut la vie, c'est pas perdu. Je te fais signe, m'entends-tu? Car notre espérance est profonde dans une vie douce et féconde, à chacun ses priorités. Faudrait clabousser le monde d'une tendresse vive et gironde. Ce qui compte, c'est d'exister. Mon bel amour, des jours venus. Je te fais signe, m'entends-tu ?